Rejoignez-nous dans ce voyage à travers le temps. Attachez vos ceintures. Mars 1977, les Nations Unies officialisent la Journée internationale des droits de la femme. Mars 1974, France, inauguration de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à proximité de Paris. Mars 1886, France, loi instituant les lundis de Pâques et de Pentecôte comme fériés. Mars 1360. Signature d'un traité de paix entre la France, Jean le Bon et l'Angleterre, Édouard III, pour mettre fin à la guerre de 100 ans. Ce n'est que provisoirement car la guerre reprendra 9 ans plus tard.